Chapitre 24. Rendez-vous. Avec aussi peu de cérémonie que si la balle s'était logée dans son individu, Lagnard se rejeta en arrière dans la pièce, trébucha et tomba à la renverse, tandis qu'au rythme de leurs bottes battant le parquet, deux sergents de ville faisaient vaillamment irruption dans la bibliothèque et s'arrêtaient en découvrant Madame Humbert, tranquillement debout, saine et sauve, à côté de son pupitre, et Lagnard en train de se relever devant la fenêtre. Derrière eux, Sidonie trottinait en se tordant les mains. « Madame, bêla-t-elle, ils n'ont pas voulu m'écouter, je n'ai pas pu les arrêter. »« C'est bien, Sidonie, retournez dans l'antichambre, je vous appellerai quand ce sera nécessaire. »« Messieurs, bien le bonjour. » L'un des agents s'avança en saluant gauchement et avec cette question superflue. « Madame Humbert, je pense ?» L'autre attendait sur le seuil, barrant le passage. Lagnard les considéra tous les deux. Celui qui venait de parler était un peu plus âgé et ventru, mûr pour la retraite et peu apte à se montrer de grande utilité dans une bagarre. Mais l'autre était jeune et râblé, avec une carrure d'athlète, et il portait en sus de son coupe-chou un revolver nu à la main. Quand ses yeux d'un bleu clair rencontrèrent ceux de l'aventurier, ils s'éclairèrent d'une lueur de défi. Mais pour le moment, Lagnard n'en avait cure. Il reçut ce cartel avec un air d'entière hébétude, se croisa les bras, appuyé contre le pupitre, et regarda Madame Humbert accueillir sans trop d'aménité la demande de l'autre sergot. « Oui, c'est bien moi, Madame Humbert. Que me voulez-vous » L'homme en resta ébaubi. « Pardon, » balbutia-t-il. Et puis il se mit à rire, comme s'il comprenait tardivement une bonne farce. « Il est heureux que nous soyons arrivés à temps, madame, » ajouta-t-il. « Bien qu'il semble que vous n'ayez pas eu grand-peine avec ce chenapan. Où est la femme ?» Il s'avança d'un pas vers Lagnard, et entre ses mains, il fit un des menottes. « Voyons, une minute ?» interrompit Madame Humbert. « Une femme, dites-vous ? Quelle femme ?» L'aîné des sergots s'arrêtant, répondit sur un ton de surprise. « Mais sa complice, comme de juste, nous avons reçu pour instruction de venir tout de suite à l'hôtel de Madame Humbert, d'entrer sans bruit par la porte de service qui serait ouverte et d'arrêter un bandit avec sa complice. » Derechef, le gros sergot s'avança vers Lagnard. Derechef, Madame Humbert l'arrêta. « Non, encore un instant, je vous prie. » Ses yeux, chargés de soupçons, interrogeaient Lagnard. Celui-ci, avec un signe de tête affirmatif vers l'écrin qu'elle tenait toujours, adressa à la dame un regard de muette prière. Après une courte hésitation, Madame Humbert déclara « C'est une méprise. Il n'y a aucune femme dans cette maison, j'en suis certaine, qui n'ait pas le droit d'y être. Mais vous dites que vous avez reçu un avis, je n'en ai envoyé aucun. » Le sergot haussa les épaules. « Ce n'est pas à moi de vous contredire, madame, mais j'ai reçu l'ordre de marcher. » Il examinait sournoisement Lagnard, qui lui répondit par un placide sourire, sous lequel, en dépit de l'espoir qu'il pouvait tirer de l'attitude irrésolue de Madame Humbert, se dissimulait une forte dose d'inquiétude. Il était bien certain que Madame Humbert n'avait pas envoyé chercher la police avant de l'avoir aperçue dans la bibliothèque. Tout ceci, donc, semblait indiquer une nouvelle vengeance de la meute. Il avait probablement été suivi et on l'avait vu entrer, ou bien la jeune fille avait été prise comme elle tentait de fuir et on lui avait arraché de force le renseignement. D'ailleurs, il pouvait entendre deux nouvelles paires de pieds s'avancer à travers les salons. En attendant l'arrivée de ces nouveaux venus, Madame Humbert garda le silence. Et, sans trop de cérémonie, deux nouveaux personnages s'introduirent dans la bibliothèque. Un solennel individu en uniforme, de mine par ailleurs peu distinguée, en qui les sergents de ville saluèrent vite monsieur le commissaire du quartier, l'autre, un petit homme bouffi, connu de Lagnard tout au moins, sinon apparemment des autres, sous le nom de Popineau. Voyant ainsi confirmer ses craintes les plus sinistres, l'aventurier abandonna l'espoir d'être secouru par Madame Humbert et se mit subrepticement à calculer ses chances de s'en tirer par ses propres moyens. Mais il était absolument désarmé et le danger était grand. Quatre contre un, tous quatre sans doute en armes, et deux au moins, les policiers, habitués à l'obéissance militaire. « Madame Humbert, » fit le commissaire, en saluant la dame avec la plus grande dignité, « j'espère que cette intrusion me sera pardonnée, vu les circonstances. Dans une affaire de ce genre, qui concerne un tel musée de trésors historiques... »« Parfaitement, monsieur le commissaire, c'est entendu, » répliqua madame d'un air hautain. Et ce monsieur, sans doute, est votre adjoint ? Le commissaire s'empressa de nommer son compagnon. « Monsieur Popineau, agent de la sûreté qui s'occupe de ce genre d'enquête. » Avec une profonde référence à Madame Humbert, Popineau alla d'un air tragique se poster en face de Lagnard pour lui examiner la figure de son petit œil vif et clignotant de gorée. L'aventurier supporta cet examen avec une impassibilité apparente. « C'est lui !» déclara Popineau avec un grand geste. « Messieurs, je vous enjoins d'arrêter cet homme, Michael Lagnard, dit le loup solitaire. » Il recula d'un pas, en gonflant la poitrine, dans le vain espoir d'effacer son abdomen, et promena un regard triomphant sur sa respectueuse assistance. « Accusé, ajouta-t-il avec un délice infini, du meurtre de l'inspecteur Roddy, de Scotland Yard, à l'hôtel Troyon, et en même temps d'avoir mis le feu à l'immeuble. » « Pour ce coup-ci, Popineau, interrompit Lagnard à mi-voix, je te couperai un jour les oreilles. » Il se tourna vers Madame Humbert. « Agréez, je vous prie, madame, mes sincères regrets. C'est là une accusation dont je suis entièrement innocent. » Au même instant, Lagnard, qui s'appuyait contre le pupitre, se redressa, et la lourde cassette à cigares, de cuivre et d'acajou, sur laquelle reposait sa main, sembla positivement jaillir de sa place, quand d'un élan de son bras, il la fit voltiger en plein sur le plus jeune sergot. Avant que l'homme qui ne s'attendait à rien de pareil eût même le temps de dire « ouf », la cassette lui arriva comme une ruade juste au creux de l'estomac. Il tituba, exhala son souffle dans un grand soupir, tomba assis brusquement, les yeux agrandis par une douloureuse surprise. Il porta les deux mains à sa ceinture, battit les paupières, devint blême et chavira sur le flanc. Mais Lagnard ne s'était pas attardé à noter ces détails. Il avait de l'occupation par ailleurs. Le gros sergot, grinçant des dents, avait bondi sur son bras et s'efforçait de le maintenir assez longtemps pour lui passer la menotte au poignet, cependant que le commissaire s'était élancé avec un beuglement de rage et les deux mains en avant, cherchant la gorge de l'aventurier. Le premier attrapa par le bout du menton un magistral coup de poing qui ébranla tout son être. Et sans comprendre le moins du monde ce qui lui arrivait, se trouva pirouettant et jeté à plat sur le chemin du commissaire. Ce dernier buta dessus, tomba et planta deux genoux durs, aggravés par le poids de son corps, dans la rotondité de la panse du sergot. Au même instant, Lagnard qui bondissait vers la porte vit Popineau fouiller dans sa poche de derrière. Suivit une lueur intense, puis l'obscurité complète. D'un coup de pied bien envoyé, emprunté au manuel de la savate, Lagnard avait fait sauter l'interrupteur des lampes électriques, arrachant du mur la boîte de porcelaine, écrasant le contact et créant un court-circuit qui éteignit toutes les lampes du haut en bas de la maison. Ayant ainsi déblayé en partie son chemin et mis la police en déroute, Lagnard profita de l'obscurité pour foncer en avant. Mais au milieu d'une enjambée, comme il passait la porte, sa cheville fut saisie par le jeune sergot toujours à plat et se déroba sous lui. Entraîné par son élan, il tomba lourdement. Ce qui peut-être lui épargna un pire mal, car à la même seconde, il entendit un coup de feu et comprit que Popineau avait tiré sur son ombre fugitive. Comme il venait d'envoyer son talon avec une énergie farouche sur le poignet de l'agent, ce qui libérait son pied, il perçut la voix du commissaire criant à tue-tête de cesser le feu. Mais l'agent, fou de douleur, rampa sur ses genoux, se jeta en avant à l'aveugle, renversa l'aventurier en train de se relever et s'abattit par-dessus. Écrasé sous les 100 kilos du français furieux, Lagnard se sentit perdu, mais malgré cela, il s'obstina, résolu à lutter jusqu'à son dernier souffle. D'un soulèvement, d'une torsion et d'une saccade, il se dégagea de dessous, et en voyant son poing au hasard, il se cogna les phalanges contre les dents du sergot. Celui-ci lâcha prise momentanément, et Lagnard réussit à se mettre sur ses genoux, mais ce fut pour retomber quand l'indomptable français l'agrippa une seconde fois. Mais ce coup-ci, en tombant, Lagnard était dessus, et s'accrochant des deux mains à l'avant-bras gauche de son antagoniste, il le tordit dans tous les sens. Un cri de douleur s'éleva, et il bondit, délivré d'un adversaire désormais incapable de nuire. Néanmoins, comme il l'avait craint, ce retard eut des suites désastreuses. Il avait à peine recouvré son équilibre qu'un personnage non identifié fonça éperdument dans l'obscurité et enlaça de ses deux bras les jambes de Lagnard. Et comme les deux hommes tombaient, deux autres s'amoncelèrent par-dessus. Durant quelques minutes, Lagnard se débattit en aveugle, férocement, tapant comme un sourd des poings et des pieds. Malgré cela, même avec un agent hors de combat, ils étaient trois contre un. Avec la fureur suprême du désespoir, il se débarrassa de tous en un moment et gagna encore quelques mètres. Mais ils revinrent à la charge et le renversèrent de nouveau, l'accablant de leur triple poids. Il perdait la respiration, sa force l'abandonnait. Il rassembla ses dernières énergies, tout son esprit et tout son courage pour un suprême effort. Il se débattit comme un chat-tigre, des dents et des griffes, se releva une fois de plus sur les genoux, avec deux hommes attachés à lui, comme des loups au flanc d'un cerf, en secoua un, se mit debout, vacillant, et dans un dernier accès de rage, planta ses deux poings à plusieurs reprises sur la figure de l'autre, qui se cramponnait encore à lui. Ce dernier était Popinot. Il le sut d'instinct, et une joie sinistre l'envahit quand il sentit la prise de l'individu se relâcher et l'abandonner, et quand il devina le ravage qu'il avait fait sur cette grosse et ignoble figure. Enfin libre, il fonça, titubant, pris de vertige, atteignit l'antichambre, ouvrit la porte, et sans souci de la sentinelle qui avait tiré sur lui de dessous la fenêtre, dégringola l'escalier et prit le large. Trois coups de feu accélérèrent sa vitesse parmi les labyrinthes du parc nocturne. Mais aucune balle ne l'atteignit, et la poursuite, qui ne dura guère, s'égara bientôt et s'éloigna. Arrivé au mur, il le longea sous le couvert de son ombre jusqu'au moment où il rencontra un arbre, avec une longue branche basse qui se projetait sur la rue. Il y grimpa, dépassa le mur et se laissa retomber sur le trottoir. Un cri, provenant de la porte cochère, salua son apparition. Il fit volte-face et reprit sa course. Des pas rapides le poursuivirent un moment, et une fois même, le cœur lui défaillit en apercevant le ronronnement d'un moteur. Mais il se ressaisit vite, retrouva sa respiration et courut comme il faut, à longues enjambées régulières qui dévoraient l'espace, et faisait des détours et embrouillait sa piste avec une habileté que lui enviait le plus fin des renards. À la longue, il se crut autorisé à ralentir et à se mettre au pas de course. La fatigue pesait à présent sur lui comme un lourd fardeau, et son esprit, obnubilé, aspirait désespérément au repos. Mais son allure ne ralentit pas, et il ne se détourna pas de son but. Encore que directe, elle était longue, la route qu'il entreprit, dès qu'il se fut assuré que la poursuite avait cessé pour de bon. Il se rendait sans hésiter à la seule place où il peut être sûr de trouver sa bien-aimée, si elle était encore vivante et en liberté. Il savait qu'elle n'avait pas oublié, et au fond de son cœur, il savait que jamais plus de sa propre volonté, elle ne l'abandonnerait. Il ne s'était pas trompé. Après que las et épuisé d'avoir escaladé la terrible pente de la butte au Montmartre, il fut passé en flageolant devant le Bedeau ensommeillé et se fut dirigé parmi les ombres amassées vers le centre lumineux de la basilique du Sacré-Cœur, il la vit là, agenouillée, la tête penchée sur ses mains que soutenait le dossier de la chaise devant elle, humble et frêle, perdue solitaire dans les longues rangées de chaises vides qui emplissaient la nef. Lentement, presque avec crainte, il s'approcha d'elle et en silence prit place sur la chaise voisine. Sans même lever les yeux, elle sut que c'était lui. Au bout d'un instant, elle avança la main, lui emprisonna les doigts et l'attira en avant avec une douceur persuasive. Il s'agenouilla alors comme elle, la main dans la main, empli d'étonnement à se voir, lui pour qui la religion avait toujours été inexistante, amené à celle-ci par la main d'une femme. Il resta de longues minutes à genoux, profondément étonné, interrogeant d'un regard anxieux les ombres et le mystère du Sacré-Cœur lointain et de l'autel étincelant d'or, et son âme n'ignorait pas que malgré les futures vivicitudes, l'esprit inquiet du loup solitaire avait pour jamais trouvé le repos.